La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Il y a mille et une manières de tracer les contours d'un monde arabe sur un planisphère. Le crayon saura embrasser des régimes, des ethnies, des parlers, mais il semble qu'il manquera toujours une perspective à ces entreprises de cartographie sérieuses. La ligne de fuite vers l'horizon. Partir. Lorsque nos pensées survolent librement un territoire, elles saisissent instantanément l'impasse de la frontière. Cette plaie à vif dont les murs constituent la traduction la plus brutale. En plissant patiemment les yeux, puis en les écarquillant démesurément, vous verrez une multitude de connexions fourmillent, là, plus bas. La loupe du géographe parcourt un modèle réticulaire, un grand filet jeté sur le globe, qui peint les espaces dans une veine finalement assez pointilliste. Les sociétés humaines s'apparentent à des réseaux qui relie des nexus, haltes, rades, caravansérails, comptoirs, marchés, hameaux, villages, châteaux, bourgades, forts, villes, ports, mégapoles, conurbations, anses, bref, tout endroit où les hommes entrent en commerce. Elle rattache ses nœuds, disions-nous, au moyen de routes, par voie terrestre, maritime ou aérienne. على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايم وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأوليات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة Le monde arabe ne relève plus tant de la carte que des hommes, de leurs demeures et des voies qui y mènent, si bien qu'on le trouve un peu partout, et sous des formes très variées, aussi longtemps qu'il y aura une bobine de fil arabe à dérouler. Des carrefours et des chemins, voilà tout ce dont nous avons besoin. La malle de Sinbad aspire à partager des minutes arabes, des promenades effectuées à travers les siècles et les cultures. Il nous fallait un guide, et nous n'avons guère hésité à débaucher le voyageur par excellence, Sinbad le marin. Cette fois, il partit, cette fois, il revint, se promettant à chaque retour de ne plus reprendre la mer. Un tel parjure était notre homme. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف الأوان. C'est la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Premier épisode, le banquet. Il était une fois un homme appelé Sinbad. Il était une fois deux hommes appelés Sinbad. L'un était marin, l'autre sage. Sindibad al-Bahri wa Sindibad al-Hakim. L'un courtisait l'aventure et les trésors, l'autre troussait les jupons du savoir. Nul n'a eu vent qu'ils se connaissaient, mais Allahu a'lam. Aujourd'hui, nous vous parlerons du coureur des flots, de celui qui sans cesse fit naufrage et fortune, de celui qui bâtit un palais somptueux en s'embarquant. De l'ami de la sagesse, nous dirons deux mots à la fin de notre cycle d'émissions. Le marchand quadrille contrées et confins, emprunte itinéraires et royaumes, les Massalik et les Mamalik, chaussés de bottes de sept parasanges pour apporter ce qui manquait. Rarement son esprit n'aura trouvé une expression narrative aussi riche, aussi extraordinaire, aussi magnifiée, bref, aussi aboutie, que dans ses récits abbassides dont la naissance devança l'an 1000. Au Moyen-Orient, les légendes maritimes ont tutoyé l'aube du IXe siècle chrétien. Sindibad est l'enfant naturel de leur dissémination à grande échelle. Plus près de nous, c'est par les périples du même Sinbad que Galland, Antoine Galland, conquit ses lettres de conteur en 1704. La BNF conserve à Paris deux manuscrits lui ayant appartenu, le 3646, première de ses acquisitions, et le 3645, une copie plus ancienne et qui apparaît reliée aux armes de Louis XIV, avec la mention « Historia fabulosa cuiustam Sindabad marini ». Tout commence dans la cité. Inbad, ou bien est-ce un homonyme, un autre Sinbad ? Les manuscrits ne tranchent pas. Inbad donc, un pauvre portefaix, amène le lecteur aux portes de la demeure du riche marchand, Sinbad. Il faut signaler qu'à cinq reprises, ce personnage, le portefaix, le porteur, ouvre la boîte à palabres dans les nuits. Le hammal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, arpente les rues de villes populeuses. Il est l'adjuvant par excellence du marchand. Débardeur infatigable, il irrigue par son travail les canaux de l'échange et ses bras gonfle la valeur des biens charriés. Inbad se lamente sur sa condition et sa plainte opère tel un sésame. Par enchantement, on l'invite à partager la table du maître de séance, le donneur de séance. Il passe du labeur au divertissement. Le banquet traîne derrière lui une vieille histoire méditerranéenne. Déjà, le symposium de Platon et des Grecs réunissait une société d'hommes autour d'un repas commun, assorti de discours. Manger, boire et parler. Les récits sur Jésus signalent également de tels rassemblements, ainsi les noces à Cana ou encore la scène. Manger, boire et parler. La cinquième sourate du Coran, Al-Ma'ida, relate la descente d'une table d'abondance servie aux apôtres de Jésus, Issa, qui allait nourrir des milliers de nécessiteux, manger, boire et parler. les sommes littéraires arabes regorgent de soirées animées par l'hospitalité d'un seigneur, entouré de ses commensaux, les noudama, où l'esprit le dispute à l'alcool, l'excellence du mot à l'ivresse du vin, manger, boire et parler. Sinbad convie Hindbad pour se justifier. Il ne doit pas sa situation à la naissance, mais aux risques encourus et aux peines endurées. Par le menu détail, il rend compte de sa carrière à un auditoire de témoins. Allongé sur un divan de délices, hâbleur infatigable, il débite à des ventres rassasiés, donc tout oui, une autobiographie merveilleuse. Quand la jolie sultane du roi cornu, Scheherazade, a le verbe prisonnier et captivant, le vénérable bourgeois aux bourses remplies délie sa langue et exorcise de vieux démons. Nous sommes à Bagdad, sous le règne fantasmé du calife Haroun al-Rachid. Dans un style fleuri, le héros nous apprend que dans sa jeunesse, il avait dilapidé l'héritage familial. Un fils prodigue. Si les richesses sont périssables, il en avait dissipé de jolies quantités. Il avait surtout compris que le temps est la chose du monde la plus précieuse, et fort de ses méditations, il décida de ne plus le gaspiller et de le mettre à profit. Il allait faire ses premiers gains en engageant ses pas dans le négoce maritime. En effet, c'est en sombrant qu'il allait se construire un état. Il dut sa première déroute à une baleine dans la mer du Levant, alors qu'il voguait vers les Indes orientales. Une île poisson lui permit de basculer dans l'aventure. Il s'agissait d'une petite île, presque à fleur d'eau, qui ressemblait à une prairie par sa verdure. L'animal, échauffé par le feu qu'on avait fait sur son dos, s'ébroua, et Sinbad se retrouva menacé de noyade. Il subit une longue errance, ballotté au gré des humeurs marines, puis la fortune mit un terme à ses souffrances et le jeta contre une île. Encore une, s'il avait su que ses pieds fouleraient le rivage de tant d'autres. Sinbad réchappait à la loi de Poséidon, mais le méchant dieu aurait à cœur de le tourmenter à chaque équipée. À peine sauvé, donc, le voici embarqué dans une histoire de chevaux marins au royaume du roi Mirage. Avant d'en entendre un passage, nous vous proposons de goûter un premier morceau musical. C'est l'introduction des Mille et Une Nuits, Alf Leila wa Leila, Dum Kelthum, L'Astre d'Orion, Kaukab Sharq, Perle, qui nous accompagnera tout au long de nos pérégrinations. Thank you. قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحري كان يقول وقد انطلقنا في السير في البحر إلى أن وصلنا إلى جزيرة كأنها روضة من رياض الجنة فأرسى بنا صاحب المركب على تلك الجزيرة ورمى مراسيه ومد السقالة فنزل جميع من كان في المركب في تلك الجزيرة وعملوا لهم كوانين وأوقدوا فيها النار واختلفت أشغالهم فمنهم من صار يطبخ ومنهم من صار يغسل ومنهم من صار يتفرج وكنت أنا من جملة المتفرجين في جوانب الجزيرة وقد اجتمعت الركاب على أكل والشرب واللهو واللعب فبينما نحن على تلك الحالة وإذا بصاحب المركب واقف على جانبه وصاح بأعلى صوته يا ركاب السلامة أسرعوا واطلعوا إلى المركب وبادروا إلى الطلوع واتركوا أسبابكم واهربوا بأرواحكم وفزوا بسلامة أنفسكم من الهلاك فإن هذه الجزيرة التي أنتم عليها ما هي جزيرة وإنما هي سمكة كبيرة راست في وسط البحر Vous êtes dans la malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Lorsque ce fut la 539e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que le capitaine ameuta les passagers et leur enjoignit de rejoindre le bord au plus vite en abandonnant tout, car un danger mortel les menaçait. Lorsqu'ils entendirent ces cris, ils se ruèrent vers le navire, en laissant sur place attirail, effets, ustensiles, paquets et braseros. Certains purent regagner le navire, d'autres ne le purent. L'île s'ébranla et s'enfonça vers les profondeurs abyssales au milieu d'un tourbillon furieux, en des remous qui se heurtaient et engloutissaient les hommes restés sur le rivage et dont, hélas, j'étais. Mais Dieu, le Très-Haut, vint à mon aide et me sauva de la noyade grâce à un baquet de bois de ceux qui servent à laver le linge. Il flottait à ma portée, je m'y agrippai, puis réussis à me hisser, tant me donnait de force la volonté de vivre. J'essayai d'avancer à l'aide de mes jambes, tandis que les vagues se jouaient de moi, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Le capitaine avait mis à la voile et s'éloignait avec les rescapés, sans s'inquiéter plus avant des hommes à la mer. Je ne cessais de regarder le bâtiment jusqu'à ce qu'il disparaisse à mes yeux. Je fus alors sûr de périr. Bientôt, les ténèbres m'enveloppèrent. Après toute une journée et une deuxième nuit, toujours accroché à mon épave, je fus drossé par le vent et la houle contre une île escarpée, bordée d'arbres dont les branches pendaient jusqu'à la surface de l'eau. Je me saisis de l'une d'elles et me hissai à la force des poignets sur le sol ferme, après avoir bien cru périr noyé. La plante de mes pieds était enflée et portait les marques de morsures de poisson. Je ne m'en étais pas aperçu tant j'étais exténué et dévoré par l'angoisse. Je m'écroulai comme mort pour n'émerger de mon inconscience et de ma frayeur que le lendemain, au matin, alors que le soleil était déjà haut. Je m'éveillai donc sur cette île. Mes pieds étaient trop enflés pour me permettre de marcher. Et c'est en me traînant, moitié rampant, moitié à genoux, que je pus me nourrir de nombreux fruits. Étancher ma soif à l'eau douce des sources, je mis des jours et des nuits à revenir à la vie, à reprendre mes esprits et à retrouver mes forces. Je ne cessais de réfléchir, de déambuler le long du rivage, en admirant les arbres dont Dieu, le Très-Haut, avait gâté cette île. Je m'étais taillé un bâton sur lequel je m'appuyais. Un jour, que je me promenais ainsi, j'aperçus au loin la silhouette de ce que je crus être une bête sauvage ou un animal marin. Je m'approchai, regardai longuement et vis un cheval de très grande taille attaché sur le rivage. À ma vue, il poussa un long hennissement. Quelque peu effrayé, je m'apprêtais à m'éloigner quand un homme surgit de terre et cria à mon encontre. Il me suivit, me rejoignit et me demanda « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Comment se fait-il que tu sois ici ? Seigneur, je suis un étranger, solitaire. Je voyageais sur un bateau lorsque j'ai été précipité à la mer avec quelques-uns de mes compagnons. Dieu a bien voulu me pourvoir d'un baquet en bois auquel je me suis accroché. Les vagues m'ont jeté sur cette île. » Ayant écouté ce que je venais de dire, l'homme me saisit la main et me dit de venir avec lui. Il me fit descendre dans un passage et me conduisit le long d'une galerie souterraine jusqu'à une grande salle. Il m'invita à y prendre place et me servit un repas auquel je fis honneur car j'étais affamé. Une fois repu et rassuré, j'entendis l'homme me demander encore qui j'étais et ce qui m'était arrivé. Je lui racontai mon histoire du début jusqu'à la fin. Elle l'étonna au plus haut point. Lorsque j'en eus terminé, j'ajoutai. Par Dieu, Seigneur, pardonne mon indiscrétion, mais je t'ai parlé de tout ce qui me concerne et de ce qui m'est arrivé. J'aimerais bien qu'à ton tour, tu me dises qui tu es, pourquoi tu vis sous terre et pourquoi tu attaches ce cheval au bord de la mer. Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous vous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique, lors vous saurez ce qu'il advint de Sinbad, l'audacieux marin. Ma'assalam. La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture.